Salut les 60, ravi de vous retrouver, c'est avec les chats sauvages, tous qu'elle voudra, Roy Orbison, Aptan et Franz Gall, Christiansen, que nous entamerons cette première heure. Vous avez décidé de rester en notre compagnie, merci de votre choix, excellente après-midi. J'ai tout perdu en un seul jour, en perdant mon seul amour. Mais si elle accepte de me revoir, tout peut s'arranger, mais comment le savoir? Toi qui es son ami, dis-lui je t'en supplie que je pleure sans arrêt et que je ferai tout ce qu'elle voudra. Depuis qu'elle est partie, mon bonheur s'est enfui. Pour apaiser mon tourment, je ferai vraiment tout ce qu'elle voudra. Dis-lui bien que je l'aime, dis-lui que pour lui plaire, je suis prêt à partir avec elle au bout de la terre. Si elle me pardonnait, dis-lui que je promets de mériter son amour en faisant pour toujours tout ce qu'elle voudra. J'ai tout perdu en un seul jour, en perdant mon seul amour. Toi qui es son ami, dis-lui je t'en supplie que je pleure sans arrêt et que je ferai tout ce qu'elle voudra. Depuis qu'elle est partie, mon bonheur s'est enfui. Pour apaiser mon tourment, je ferai vraiment tout ce qu'elle voudra. Dis-lui bien que je l'aime, dis-lui que pour lui plaire, je suis prêt à partir avec elle au bout de la terre. Si elle me pardonnait, dis-lui que je promets de mériter son amour en faisant pour toujours tout ce qu'elle voudra, tout ce qu'elle voudra, tout ce qu'elle voudra. My baby and me.

Jean Marais et Louis de Funès sont repartis de plus belle dans Fantomas contre Scotland Yard. Les Rolling Stones donnent un concert à Varsovie. Et David Niven joue dans Casino Royal. À Montréal, lors de l'exposition universelle, Buckminster Fuller dévoile son dôme géodésique. Léontine, fait la cuisine. Elf intrigue avec ses ronds rouges. On s'occupe du téléphone. La carte bleue se glisse dans les portefeuilles. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne. Arabal provoque. Et le Kawaii protège. En toute saison, pour la pluie, Kawaii. Toujours plus fort, le café, Nescafé est lyophilisé. JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber lance le numéro 1 de l'expansion. Et au cœur de Paris, la gare Montparnasse, qui n'est plus qu'une carcasse, se refait une beauté. C'est du rock partout jusqu'à Menton. Je le vois où je vais. Et je sais bien que le bien grand, tout de me retrouver. Je les aime toutes vraiment. Douce fille de 16 ans, douce fille de 16 ans. Tu m'aides pour m'écouter à les habits de maman. Et comme elle m'a crié, le lendemain dommage, c'est l'école qui t'attend. As-tu le maquillage, douce fille de 16 ans. Oui, c'est du rock partout jusqu'à Bruxelles. Allez là, Montpellier. Quand le rock vous appelle, on ne peut résister. Oui, elles sont elles-mêmes, il faut les voir danser. Et je les aime toutes vraiment, à douce fille de 16 ans. Douce fille de 16 ans, ah, douce fille de 16 ans, tu sais que tu grandiras, mais nous deux tout le temps, ensemble on s'entendra. Ouais, donne-moi ta parole, à te revenir comme avant, quand finira l'école. Douce fille de 16 ans, ouais, c'est du rock partout jusqu'à Menton, je le vois où je vais. Bien qu'elle vienne grand, à toutes me retrouver. Ouais, et que ce soit à Lyon ou bien à Saint-Tropez, je les aime toutes vraiment, douce fille de 16 ans. Douce fille de 16 ans, reprise du Sweet Little 16 de Chuck Berry. Tout savoir, eh oui, tout connaître, mais heureusement on connaît pas tout. Et avoir 16 ans, le rêve à l'état pur. À l'instant, c'était l'ami Johnny Hallyday. Ring on my phone. Ring on my phone. From me. from you. Ring on my phone. Ring on my phone. Brenda Lee, Ring My Phone. Brenda Lee est née le 11 décembre 1944 dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Elle ne sait pas encore qu'elle va devenir l'une des reines du rock'n'roll américain. Adaptation contre version originale, voici notre premier match. Je peux bien l'avouer, tout comme un enfant perdu, je vais seul au long des rues, n'ayant que le regret d'avoir tout gâché. Oh, je t'en prie, reviens, tu sais que je t'aime, reviens, dans la nuit je traîne, reviens, mon âme est en peine. Bien vite et oublie Franck Alamo, opposé pour ce premier match au Buy Me Baby des Ronettes. Adaptation ou version originale sur Radio Gemozo, c'est à vous de choisir. Make you so proud of me. We'll make a turn. pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. She's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she says she knows, you're not the apologize to her. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. She Love You, cette chanson des Beatles, a une histoire, courte peut-être, mais elle fait partie de la légende du groupe. Elle a été écrite à l'arrière d'un camion par John et Paul durant une tournée en 1963. La même année, Jim Clark remporte le Grand Prix automobile d'Italie et devient champion du monde des conducteurs en Formule 1. C'est en 1963 également que Lucky Blondo plonge par 45 tours interposés au cœur du silence. Au cœur du silence, c'est à toi que je pense, à toi qui ce soir est si loin de moi. Je pense à la joie d'être dans tes bras, mais pourquoi n'es-tu pas là? Au cœur du silence, dans la nuit qui s'avance, je reste éveillé en rêvant. Ton visage tout près de moi, mais pourquoi n'es-tu pas là? Déjà, c'est clair, à quoi le ciel? Au bout de l'horizon vermeil, pourquoi cacher que je pleurais? À te donner. Au cœur du silence, c'est à toi que je pense, à toi qui demain sera près de moi. Mais Dieu, que c'est long tout un jour sans toi. Oh, pourquoi n'es-tu pas là? Ils sont les musiciens d'Antoine, ils ne vont pas tarder à quitter ce dernier et devenir les Charlots. Les problèmes, c'est le nom du groupe, les contre-élucubrations problématiques. Après les problèmes sur Radio Guémozo, nous évoquerons le hit parade de décembre 1964. Ta mère t'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux, t'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça on serait les seuls à se faire remarquer, on serait les seuls à élucubrer. Nous on se fout pas mal de ton goût pour les fleurs, on porte depuis longtemps les chemises de nos sœurs. Nous ferons ce qu'il faut pour être les premiers, ta cage est déjà réservée. Moi qui avais déjà tant d'ennuis, les problèmes se mettent à m'ancrer. Avec leurs cheveux longs, on dirait des filles, ils me font rire, hé hé hé, on le fait rire, hé hé hé. Ta mère t'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux, t'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça, on serait les seuls à se faire remarquer, on serait les seuls à élucubrer. On est allés ensemble dans tous les monoprix, sans trouver de pilule comme tu nous l'avais dit. Ton disque ne doit pas se rendre en haut lieu où tu les impressionnes. Vous pouvez bien me chambrer, mais si vos mères avaient connu la pilule, vous ne seriez pas là à me casser les pieds. Laissez-moi rire, hé hé hé. Laissons-le rire, hé hé hé. T'as dit Antoine, fais-toi couper les cheveux, t'aurais mieux fait de le faire, tu serais beaucoup mieux. Comme ça on serait les seuls à se faire remarquer, on serait les seuls à élucubrer. On serait maintenant vedette à l'Olympia, on casserait pour nous les mêmes fauteuils que toi. On gagnerait aussi, tu sais, beaucoup d'argent, on t'accompagnerait plus très longtemps. Quoi, vous voulez devenir millionnaire? Oh vraiment, vous me... Moi qui suis si désintéressé, laissez-moi rire, hé hé hé. Laissons-le rire, hé hé hé. Laissez-moi rire, hé hé hé. Laissons-le rire, hé hé hé. Le pape reçoit Moïse Tshombe, ce qui provoque des manifestations. Juan Perón, refoulé de Rio de Janeiro, s'installe en Espagne. Les six pays membres se mettent d'accord pour l'ouverture du marché commun, qui se fera le 1er juillet 1967. Nous sommes en décembre 1964 et le Baby Love des Suprêmes occupe la 44e place du hit parade de l'époque. Un hit parade que je vous propose de découvrir en quelques titres. Stay away so long. Les Rolling Stones ont été les vedettes de l'émission de télévision Quoi de neuf. Ils y ont interprété leur nouveau hit Carol de leur idole Chuck Berry, titre qui rentre en ce mois de décembre 1964 à la 20e place du hit parade. It's a long ride. You park the car in the open, you can walk inside. A little cutie takes your hat and you can thank a man. Cause every time you make a scene, you find the joint is jammed. So loud. While the music intrigue you when they get a crowd. Well, you can't dance, I know you would do good. I got my eyes on you, baby, cause you dance so good. Claude François a battu le record de recettes lors de son passage au Palais des Sports de Toulouse. Et à Genève, les trois quarts des spectateurs avaient apporté une cloche pour l'accompagner dans son dernier hit, Les Cloches Sonnaient, qui occupe en décembre 64 la 16e place du hit parade. Nous marchions depuis des heures, tous les deux. Dans la rue, les gens semblaient si heureux. Soudain, je t'ai regardé, tu pleurais. C'était un dimanche, les cloches sonnaient. Je t'ai crié, souviens-toi quand même. Je m'appelle Claude et je t'aime, je t'aime. Mais soudain, ce fut l'instant du départ. Tu paraissais minuscule dans cette gare. Je ne te verrai plus jamais. Te revoir. 1964. Le B-70, inspiré du Concorde, s'envole pour la première fois. Zébulon et Pollux font trois petits tours sur le manège enchanté. Et Jules Dassin, hold up, top capi. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Les Vadim sont désormais vendus à l'unité. Hello, darling. André Malraux, ministre de la Culture, inaugure la première maison de la culture à Bourges et la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Les Beatles envahissent l'Amérique. Dans le port, madame, madame, y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent. Les premiers monokinis apparaissent sur les plages. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam. Et les mannequins rêvent d'être stars. Avec ce simple geste, vous en économiserez des centaines d'autres. Le scotch sert à tout et n'importe quoi. Les films d'horreur ont trouvé leur public. Sans Mao et Le Che font ami-ami. Et les fauteuils sont futuristes. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et toute la vie, nous serons toujours des amis. Et problème, car si quelqu'un nous plaît bien, tout simplement on l'adopte, on lui dit bien, car il faut des amis, car il faut des amis pour être heureux dans la vie. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Chela, vous les copains, je ne vous oublierai jamais, et 13e en ce mois de décembre 1964. La NASA lance San Marco, le premier satellite italien. Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel et Richard Anthony classe à la 8e place du hit-parade la corde au cou, un titre signé John Lennon, Paul McCartney. Si fier de ma liberté, Eddie Mitchell, comme il en a l'habitude, a enregistré à Londres son nouvel album « Toute la ville en parle ». Eddie est formidable, sur lequel figure son super hit « Toujours un coin qui me rappelle », lequel titre se classe en ce mois de décembre 1964 à la troisième place du hit parade. Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh, oh. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne. L'on allait danser le soir. Je me revois là, t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer. Je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh oh oh oh oh oh. La vie de ma vie. Je n'aimerai personne d'autre. Je ne t'oublierai pas pour une autre. Tu restes la vie de ma vie. We'll be right back.

fille, et si vous êtes comme ça, eh bien, téléphonez-moi. À venir sur Radio Gemozo, Arthur Brown Fire. I am the god of hellfire, and I bring you fire. Radio Gemozo, les bons moments ont toujours une musique. Depuis 6 mois, je suis soldat. Et nous aussi, mon frère. Oui, depuis 6 mois, moi, je marche au pas. Et nous aussi, mon gars. J'ai le fusil et tout le bardac. Et nous aussi, mon frère. J'en ai sur le dos, j'en ai plein les bras. Et nous aussi, mon gars. Mais vas-y. Marche, marche tout le long du chemin. Faut pas penser à ça. Accroche ton cœur à ton refrain. Et vas-y. Marche, marche, mon gars. On m'a coupé les cheveux à ras. Mais nous aussi, mon frère. On m'a vacciné je ne sais combien de fois. Et nous aussi, mon gars. Comme j'ai l'instruction, j'ai des tas d'emplois. Et nous aussi, mon frère. J'ai même balayé, je ne vous dis pas quoi. Et nous aussi, mon frère. Eh ben si. Marche, marche tout le long du chemin. Faut pas penser à ça. Accroche ton cœur à ton refrain. Et vas-y. Marche, marche, mon gars. Quand je monte la garde, je me dis parfois. Et nous aussi, mon frère. Si les copains me voyaient, ils se foutraient de moi. De nous aussi, mon gars. Ce qui me fait râler, c'est que pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, mon frère. Ils draguent toutes les filles, ils ne m'en laisseront pas. Pas de non plus, mon gars. Mais vas-y. Marche, marche tout le long du chemin. Faut pas penser à ça. Accroche ton cœur à ton refrain. Je compte les jours, je compte les mois. Et nous aussi, mon frère. Dans 228 jours, je rentrerai chez moi. Dites-nous aussi, mon gars. C'est pas demain la veille, mais je pense déjà. Dites-nous aussi, mon frère. Et je pense à la cuite qu'on prendra ce jour-là. Dites-nous aussi, mon gars. Mais vas-y. Marche, marche tout le long du chemin. Faut pas penser à ça. Accroche ton cœur à ton refrain. Et vas-y, marche, marche, mon gars. Sacha Distel et Nous aussi mon frère, un titre qui évoque le service militaire, le problème majeur des jeunes à l'époque. Sur Radio Guémozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord la version française avec Sylvie Vartan dans son. Oh chérie, donne-moi ma chance, garde-moi la prochaine danse, dansons. Dansons le twist, le slap ou bien le Madison. Qu'importe l'air que nous entendrons, mais dansons. Dansons. Oh chérie, si tu es tout seul, ne reste pas là sur ton fauteuil, mais dansons. Dansons. Dansons le twist, le slap ou bien le Madison. Qu'importe l'air que nous entendrons, mais dansons. Dansons. Française pour la version originale, nous aurons Chris Montez, Let's Dance. We'll be right back.

Ma jeunesse fout le camp tout au long des poèmes, et d'une rime à l'autre, elle va prapalant. Ma jeunesse fout le camp à la morte fontaine, et les coupeurs d'osier moissonnent mes 20 ans. Nous n'irons plus au bois, la chanson du poète, le refrain de dessous, les vers de mirliton qu'on chantait en rêvant aux garçons de la fête. J'en oublie jusqu'au nom, j'en oublie jusqu'au nom. Nous n'irons plus au bois chercher la violette, la pluie tombe aujourd'hui qui efface nos pas. Les enfants ont pourtant des chansons plein la tête, mais je ne les sais pas, mais je ne les sais pas. Ma jeunesse fout le camp sur un air de guitare. Silence à pas lent. Ma jeunesse fout le camp, elle a rompu la mare. Elle a dans ses cheveux les fleurs de mes 20 ans. Nous n'irons plus au bois, voici venir l'automne. J'attendrai le printemps en effeuillant l'ennui. Il ne reviendra plus et son cœur frissonne. C'est que descend la nuit, c'est que descend la nuit. Nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus ensemble. Ma jeunesse fout le camp rythme de tes pas, si tu savais pourtant comme elle te ressemble, mais tu ne le sais pas, mais tu ne le sais pas. Vous venez de nous rejoindre sur Radio Gémozo, merci de votre choix. Juste après Salvatore Adamo, le grand jeu, vous retrouverez Ricky Nelson, l'invité cet après-midi de notre rubrique Le coin du spécialiste. Ton regard et ton sourire, tes grands yeux noirs, où ils se mirent. Et moi je dois sauver la face, et moi je dois faire la grimace, quand dans mon cœur tout est chagrin. En apparence, c'est le grand jeu. L'indifférence, mais je sens comme une blessure ce grand amour qui me torture et qui n'en finira jamais. Je voudrais t'emmener loin de ce bal, loin de tous ces pantins. De tes yeux j'attends comme un signal, mais en vain. On a eu tort. Tes yeux m'ignorent tout doucement, mes yeux t'implorent comme une lueur dans la star de la télé, belle gueule de sportif, Ricky Nelson, comme tous les gentils du rock'n'roll, n'engendrait guère l'hystérie. Les disques de Ricky Nelson sont ceux d'un rocker pur. On n'y entend que les instruments du rock, batterie, basse et guitare. Sa voix est douce, presque sucrée. Juvénile même, il faut dire qu'il était très jeune. Comme tous les rockers, il a subi l'influence d'Elvis Presley, mais a su rester lui-même. Héros du feuilleton familial Les Aventures d'Ozzy et Harriet, cette émission phénomène qui dura plus de 15 ans avait d'abord envahi les ondes, puis les écrans de télévision. Donc tout le monde connaissait la tronche de Ricky, et passer au chant fut un mouvement naturel pour lui. Ricky Nelson, une star avant même d'avoir commencé. En 1957, Ricky Nelson n'a que 17 ans lorsqu'il enregistre trois chansons qui trouveront tout naturellement le chemin du hit Parade. Sa popularité en France, il la doit en grande partie au film Rio Bravo qu'il a tourné en compagnie de Dean Martin et John Wayne, et à quelques chansons, mais surtout à son titre Teenage Idol, dont il est absolument certain que sans la version française de cette chanson par Johnny Hallyday sous le titre L'Idole des Jeunes, Ricky Nelson ne serait pas aujourd'hui aussi célèbre qu'il l'est chez nous. L'histoire de Ricky Nelson s'arrête le 31 décembre 1985, quand il prend l'avion pour aller chanter à l'occasion du réveillon dans un grand hôtel de Dallas. Le DC-3 utilisé s'écrase, tuant Ricky Nelson, sa fiancée Helen Blair, quatre de ses musiciens et un technicien. Tout comme Buddy Holly, Richie Valens et Big Bopper, Ricky Nelson aura connu une fin tragique. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. That's the brown sunny day. Last so big, brown eyes. My heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye. Well, hello, Mary Lou, goodbye. I've been waiting ever since I guess my baby's got another date. Stood up, broken hearted again. I'll bet she's out having a ball, not even thinking of me at all. Stood up, broken hearted again. Well, I know just what I ought to do. I ought to find me somebody new. But baby, I couldn't forget about you. Stood up, broken hearted again. Must I always be the one left behind, never having any fun? Stood up, broken hearted again. But I guess I'll go on being a fool, sitting around just waiting for you. Stood up, broken hearted again. Well, I know just what I ought to do. I ought to find me somebody new. But baby, I couldn't forget about you. Stood up, broken hearted again. Stood up, broken hearted again. Stood up, broken hearted again. Avec Gérard, c'est vraiment bon. I've been waiting in school all day long, waiting on a bell to ring so I can go home. Throw my books on the table, pick up the telephone. Hello, baby, let's get some gum. Heading down to the drugstore to get a soda pop. Throw a nickel in and two-by sandwich, start to run. Spook out, baby, gonna take the lead. Sure look good in baby doll shoes. One, two, pull the shoes. Three, four, get out on the road. Five, six, come get your kicks down on the corner of Lincoln and 46. Books on the table, pick up the telephone. Hello, baby, let's get some going. Head down to the drugstore to get a soda pop. Throw a nickel in and chew by the sandwich, not the front. Scook out, baby, gonna tell you the news. You should look good in them baby doll shoes. One, two, pull up shoes. Three, four, get out on the floor. Five, six, come get your kicks. Down on the corner of Lincoln and 46. Six, come get your kicks down on the corner of Lincoln and 46. You gotta move, stop rocking, baby, rockin', rockin', baby, gonna rock all night, just wait and see. It's up to you, to you. You know I've done everything I can. I hope. Leaving it up to you, up to you. It's all so clear, so clear, that I would give everything I own to have you near, you near. Never leave me all alone. I need your love, so darling, please be there. Let me know. Cards on the table. feel, so I'm leaving it up to you. Gal for me. She got plenty of rhythm, got plenty of jive, and when we dance, I really come alive. My love for her is so tender and sweet. My heart starts pounding every time we meet. A bebop baby, still in her knees, just as sweet as she can be. A bebop baby in her old blue jeans, it's a bebop baby for me. A bebop baby for me. Baby, she's a gal for me. I'm gonna find her tonight, we're gonna have a time. I want the baby to be mine, oh mine. A big day's coming for my baby and me. The day that she says she belongs to me. A bebop baby, still on her knees, just as sweet as she can be. A bebop baby in her old blue jeans. It's a bebop baby for me. A bebop baby for me. A bebop, baby, a bebop, baby, a bebop, baby. She's a gal for me. She got plenty of rhythm, got plenty of jive, and when we dance, I really come alive. My love for her is so tender and sweet. My heart starts pounding every time we meet. A bebop, baby, still in her knees, just as sweet as she can be. A bebop, baby, in her old blue jeans. It's a bebop, baby, for me. A bebop, baby, for me. A bebop, baby, for me. Some people say they envy me. I guess they got no way of knowing how lonesome I can be. I need somebody to call my baby, someone to tell my troubles to. I got no time to ever find her, 'cause I'm just passing through. Travel around, oh, town and lonely town. I guess I'll always be just a rolling stone. If I find fortune and fame, and lots of people know my name, that won't mean a thing if I'm all. No rest when I'm feeling weary. I gotta pack my bags and go. I gotta be somewhere tomorrow to smile and do my show. I travel around, oh, town to lonely town. I guess I'll always be just a rolling stone. Fame. And lots of people know my name. That won't mean a thing if I'm all alone. Some people call me a teacher. people say they envy me. I guess they got no way of knowing how lonesome I can be. How lonesome I can be. Sur Radio Gemozo, retrouvez toute l'émotion des chansons des années 60. surnommée l'écolière de la chanson pour Evie la Roqueuse, septembre 63, ça, c'était le moment de la rentrée. Sur Radio Guémozo, la légende s'écoute en deux versions, avec dans un premier temps Johnny Hallyday et Lucy pour la version française. Danser avec lui dans le noir, j'aurais voulu pleurer car je ne pouvais pas le croire. Lucille, et quand il t'a embrassé, à mon cœur se mit à battre et même à trembler. Oh Lucille, je suis parti. Tu avais tout brisé tout en une seule nuit. Oh Lucille, après la version française, nous aurons la version originale, nous aurons Little Richard. Troisième et dernier match, troisième et dernier choix pour vous sur Radio Guémozo.

Jack, if you got a little time to kill, just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor. Digging to find his little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. Guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, yeah. Guitarman, un succès du country, d'autant plus que le duettiste qui gratte avec Elvis Presley n'est d'autre que Jerry Reed, le grand maître de la spécialité. Antoine et Petula Clark tout au long du calendrier, c'est à venir sur Radio Gamozo. Je t'aime, t'aime tout au long de l'année, tout au long de l'année. Je t'aime, t'aime tout au long de l'année, chaque jour du calendrier. Des étrennes, on s'aime dans la neige, on marche vers le bleu, on ôte un fil ou deux. Oui, oui, c'est ma destinée. Je t'aime, t'aime tout au long du calendrier, chaque jour, chaque nuit. Sur la plage, oui, oui, c'est ma destinée. Je t'aime, t'aime tout au long du calendrier, chaque jour, chaque nuit. Soignons notre rhume, la brume vient danser, y'a plus qu'à recommencer. Oui, oui, c'est ma destinée. Je t'aime, t'aime tout au long du calendrier, chaque jour, chaque nuit de l'année. Je t'aime, t'aime tout au long de l'année, tout au long de l'année. Je t'aime, t'aime tout au long de l'année. Salut les 60 sur Radio Gamozo, le temps des copains. Dans ma ville, il pleut tout le temps. Et je m'engueule avec mes parents. Je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Mes amis n'y ont rien compris. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'amis. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Mon patron me fout à la porte. Diable l'emporte. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. mon amour ne veut plus me voir. D'ailleurs, elle m'a quitté ce soir. Mais je m'en fous, tout est bien. Je reprends la route demain. Antoine, je reprends la route demain. Quant à nous, on se retrouve dimanche dès 10h pour la rediffusion et lundi dès 15h pour une nouvelle émission. Notez notre adresse internet radioguemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Salut les 60, excellente semaine sur Radio Guemozo. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that. I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice. He said that ooh ee ooh ah ah, ding ding bang, walla walla bing bang, ooh ee ooh ah ah, ding bang, walla walla bang bang, ooh ee ooh ah ah, ding ding bang, walla walla bing bang, ooh ee ooh ah ah, ding bang, walla walla bang bang. You've been keeping love from me just like you were a miser, and I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy who's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. The witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you. Ooh ee ooh ah ah, ting ting, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting ting, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting ting, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting ting, walla walla bing bang. Now you've been keeping love from me just like you were a miser, and I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy who's so much wiser, and he taught me the way to win your heart. My friend, the witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you. Oh, baby. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, ding, ding, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, ding, walla, walla, bing, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, ding, ding, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, ding, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, ding, ding, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, ding, walla, walla, bing, bang. Come on. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, ding, ding, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ding, ding, walla, walla, bing, bang. Ding, ding, walla, walla, bang, bang. Ding, ding, walla, walla, bang, bang. again. Don't you dare tell me the same old thing. The worst is I can't figure out, but you will soon hear the stubborn child of Papa. Ooh, Papa, Papa, Papa, ooh. Now I hear this sound everywhere I go. I watch TV and the radio. And now it's spreading all over the land. I still can't seem to understand. We'll be right back.